Je suis sur une autoroute. J'aborde une pente dangereuse à 6% qui s'étend sur 2 km. La vitesse est limitée à 110 km/h et cette restriction concerne tous les usagers, excepté les poids lourds qui doivent respecter une allure plus lente encore. Je roule à 110 km/h. Je n'ai pas l'obligation de ralentir et je peux dépasser ce poids lourd. Rien ne s'y oppose, la ligne est discontinue et personne n'est sur le point de me dépasser. Réponse B et C.